aujourd'hui, on est dans une ère plutôt polarisante d'une société du savoir au niveau mondial qui impose au secteur académique africain une pression supplémentaire qu'il a beaucoup de mal à relever. La plupart des formations sociales africaines se sont évertuées dès les lendemains de l'indépendance à se doter d'universités, de centres de recherche visant à les développer. Ces systèmes d'enseignement supérieur ont tous connu, dès leur conception, des crises profondes, principalement dues au néocolonialisme et à tous les dysfonctionnements inhérents au sous-développement. Dans les faits, malgré des progrès notables, le bilan reste mitigé, voire équivoque, malgré la formation de millions d'individus. On doit bien sûr saluer l'événement timide de l'université panafricaine. Elle est issue récemment de l'Union africaine et elle vise la revitalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique sur une base de meilleure qualité. Son siège sera à Yaoundé, elle est articulée sur 5 instituts universitaires régionaux. Les financements, hélas, sont principalement européens, l'Union européenne, la Suède, l'Inde, l'Allemagne, avec 20 millions d'euros et 45 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Le système qui régit le monde universitaire, il faut le rappeler à la plupart des gens qui sont dans le système universitaire, est régi par la Magna Carta Universitatum, qui a été signée par quelque 515 universités de 77 pays, dont seulement 6 d'Afrique, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria, le Zimbabwe, le Maroc et la Tunisie. Aujourd'hui, l'extension sociale de l'université, sa démocratisation, son encastrement dans la société et celle-ci en elle demeurent partout éminemment politiques et culturelles. Le secteur reflétant autant par sa turbulence que les problèmes qui lui sont inhérents tous les défis qui restent à être relevés en matière de développement. Mais peut-être est-ce que le développement lui-même qu'il faut démystifier afin de baliser dans des exceptions connues des termes comme les droits humains, la liberté, le savoir-faire, etc. À ce titre, l'université a le rôle d'éveil, de veille. Elle doit contribuer autant à la culture locale, nationale qu'universelle. Cette fonction est redoutable et elle est hélas pas remplie dans nos politiques publiques. Pire, nous sommes dans le sillage des modèles universitaires techno-industriels astreints au marketing managérial qui détruit les relations sociales, l'environnement et surtout la culture. Vous vous souvenez peut-être de Jean Markella, notre collègue camerounais qui, hélas, est parti il y a déjà quelques années. Il faisait remarquer, je cite, « une réflexion endogène sur le type d'université à promouvoir en Afrique noire s'impose. Au-delà de son extraversion actuelle, au-delà des lois du marché auxquelles la Banque mondiale, notamment, entend la soumettre, il est urgent de jeter les bases d'une réappropriation africaine, critique et responsable de l'enseignement supérieur. » Jean-Marc est là d'ajouter « Dans des universités à bout de souffle, délaissées par les États et concurrencées par les entreprises privées d'enseignement à distance, on assiste, par exemple, à la disparition progressive des disciplines qui ne répondent pas aux normes de rentabilité imposées par la dictature de l'immédiat à laquelle les champs de savoir sont asservis dans le processus de marchandisation des espaces de vie en société. Quel service l'Afrique peut-elle attendre d'une université formatée par l'univers culturel occidental ?» se demandait Jean Markella. L'indépendance négociée, il faut le rappeler, a souvent perpétué la dépendance de l'enseignement supérieur vis-à-vis des métropoles, accentuant ainsi la fuite des cerveaux et le modelage scientifique selon les desiderata du nouvel ordre. Nous sommes nous-mêmes des produits de cet exode, ayant principalement contribué à des fonctions professionnelles à l'étranger. Mais ces fonctions professionnelles reflètent la physionomie de la division internationale du travail. Il faut rappeler que les luttes de libération nationale ont payé le prix de cette confrontation. Ailleurs, là où les régimes compradors existent, on s'est vite retrouvé avec un secteur supérieur ostracisé à l'extérieur et sous-financé à l'interne. Il est constamment sous la surveillance policière, comme on l'a vu dans l'entrevue tout à l'heure sur le Congo, la censure ou l'autocensure. On est encore loin de la liberté de penser et de s'exprimer, de créer, de promouvoir une coopération sud-sud, comme par exemple s'inspirer du modèle de la réussite scientifique de Cuba ou la pédagogie de Paulo Freire. On est loin aussi d'enseigner nos propres savants critiques, comme Cheikh Anta Diop, ou de faire participer plus activement les femmes, les étudiants, au contenu et à la formation, et surtout d'infléchir le monde du travail vers les exigences du savoir. Une série de questions anime vraiment cette réflexion ce soir. À qui appartient l'université? Est-ce un bien public, privé? Quelle est la finalité des études universitaires? comment mettre en vigueur et traduire en devoir les engagements éthiques souvent réitérés? Est-il envisageable d'élaborer une culture scientifique dans les langues vernaculaires pour et par les sociétés? Comment aussi s'assurer de la qualité de l'éducation en amont au niveau pré-universitaire? Que cache l'internalisation des standards de haut niveau universitaire aux fins de la globalisation? Qui formule vraiment le savoir, son contenu et comment est-il transmis? D'autres questions aussi abondent, par exemple, comment articuler dans la fracture numérique une stratégie cohérente de rationalisation de nos ressources humaines et intellectuelles au bénéfice de nos besoins les plus vitaux, de nos besoins essentiels? Comment financer cette université? Peut-on provoquer une synergie fédératrice susceptible des efforts comme ceux du Codestria qui est basé à Dakar? Ici, il faut très rapidement faire une comparaison avec ce qui peut se faire en Asie ou en Amérique latine. Par exemple, des collègues latino-américains comme John Sachs Fernandez soutenaient que l'ensemble du système d'éducation supérieure du continent latino-américain est l'objet d'une attaque systématique de ses fondements séculaires et de sa tradition de liberté d'enseignement et de recherche. L'autonomie à la base de la conception humaniste qui caractérise l'université classique est mise au pilori non par d'abstraites exigences du marché, mais précisément par la Banque mondiale et les puissants intérêts privés qui gravitent autour de cet instrument. John Sachs d'ajouter, l'emprise des transnationales sur les programmes de recherche et sur les résultats de ces programmes progresse par le biais d'accords entre universités et secteurs privés. Accords auxquels sont astreints les institutions d'enseignement en manque de deniers publics dans des pays où l'État est amené à se désengager de ses missions fondamentales. On assiste alors à une privatisation des connaissances et des essences, en particulier dans le domaine des sciences de la nature. Les thèses de la Banque mondiale consistent à placer les intérêts du capital au cœur des définitions de la recherche et de l'enseignement, contribuant ainsi à l'instrumentalisation des chercheurs et des enseignants du Sud, fait remarquer John Sachs Fernandez. D'autres chercheurs africains, comme Naas Angula, font remarquer que les conséquences des programmes d'ajustement structurel sur l'enseignement en général sont désastreuses. La crise est cependant le reflet de dynamiques tant externes qu'internes. Naas Angula fait aussi remarquer que l'accroissement rapide du nombre d'étudiants, l'explosion démographique, la dépendance intellectuelle et culturelle de l'Occident, la faiblesse des financements publics, la fuite des cerveaux, les problèmes de gestion et d'efficience des institutions, les freins à l'accès des femmes à l'université sont autant de facteurs d'obstacles ou de défis à relever par l'enseignement supérieur africain pour qu'ils ne servent pas qu'une élite minoritaire. Donc aujourd'hui, on peut dire que nos universités cherchent à redéfinir leur rôle, leur mandat, leur stratégie. Réduites à des incubateurs pour des professions, elles ne peuvent pas garantir l'employabilité à des cohortes de chômeurs diplômés. Il faut donc, dans le contexte des révolutions technologiques et cognitives, esquisser des orientations essentielles axées sur le plein emploi. Pour l'instant, il faut rappeler que la déclaration de Bologne, celle qui envisage et structure l'univers universitaire, a proposé que l'indépendance, je cite, et l'autonomie des universités sont garantes des capacités des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche de s'adapter en permanence à l'évolution des besoins, aux attentes de la société et au progrès des connaissances scientifiques. La marge de manœuvre, en fait, des universités est très restreinte. On parle d'un modèle qui est le modèle LMD, où les universités africaines posent la question de l'application des critères de qualité. Les pays africains ont tout intérêt à ce que les études préparent les futurs diplômés à y travailler, les pays du Nord à ce qu'ils soient soumis à des apprentissages abstraits pouvant être utilisés dans des laboratoires des pays du Nord même. La question pour nous, c'est d'abord de savoir s'il y a la possibilité de créer une intelligentsia organique, c'est-à-dire une intelligentsia progressiste, panafricaniste, internationaliste et scientifique. Ce préjugé favorable, qui peut sembler peu objectif au regard de la science, impartialité, consensus de la communauté scientifique, est basé sur le fait que l'université africaine doit relever la mission de développer le continent en synergie avec les autres espaces du monde. L'enseignement et la recherche ne sont pas une fin en soi, elles ne sont pas déconnectées d'objectifs escomptés par nos peuples. De même, il faut transcender l'élitisme, car tout humain est intellectuel et l'universitaire n'a pas le monopole du savoir. Ceci suppose pour nous rectifier l'histoire des vainqueurs, restaurer la marge d'action de l'État et des partenaires qui veulent s'atteler à soutenir ce projet de revitalisation culturelle et surtout accélérer l'intégration africaine et propulser l'Afrique au rang escompté par les besoins de ses populations. Ici, bien sûr, on peut polémiquer, on peut discuter sur les champs de recherche fondamentale, sur la recherche appliquée et surtout sur le prétendu africanisme qu'a créé une catégorie impressionnante d'universitaires occidentaux spécialistes de l'Afrique. La vaste majorité d'entre eux ne parlent pas une langue africaine, ils appréhendent une complexité qui leur échappe à partir de leur langue et schème culturel de pensée. Pire, leur moule dans lequel croissent les intellectuels africains rend un second degré de complexité car non seulement s'abreuvent-ils à cette source, mais les intellectuels africains eux-mêmes ont de plus en plus de mal à penser la complexité, à l'abstraction scientifique dans leur propre langue vernaculaire en dehors de la langue de l'aliénation coloniale. Que dire donc d'une portion imposante de son intelligentsia qui vient en diaspora, arrimée ou non au tissu académique du continent, qu'elle sauvegarde ainsi tout en l'aliénant. Donc ici, la question pour nous, c'est de comprendre si une démarche panafricaine pourrait changer l'ordre de choses. Je reviendrai là-dessus après une petite pause musicale. Alors, vous avez peut-être reconnu la musique de Wassis Diop. Vous êtes à l'écoute de CKUT 90.3, l'émission Amandla, et on parlait ce soir de l'université du 21e siècle et des perspectives panafricaines de cette université. Il faut rappeler à ceux et celles qui l'ignorent qu'en 1967, le second congrès international tenu à Dakar propose de remplacer africanisme par études africaines, Africanism by African Studies, et c'était l'achèvement d'une rébellion et un élan d'une odyssée de reconquête intellectuelle ou idéologique pour l'Afrique et le monde noir. L'Afrique a une histoire désormais plus simplement écrite par des interprètes et par les vainqueurs, mais par ses enfants et des alliés plus désintéressés et objectifs. Parmi eux, évidemment, une cohorte de penseurs, notamment Cheikh Anta Diop, qui porte maintenant une université dont l'université porte le nom à Dakar, qui faisait remarquer en 67 que la connaissance de l'Égyptien ancien, en particulier, deviendra indispensable pour faire des travaux sérieux d'anthropologie culturelle sur l'Afrique noire. Il faisait remarquer qu'effectivement, qu'on a commencé à se rendre compte que l'on avait séparé artificiellement, dogmatiquement et antiscientifiquement ce qui ne faisait qu'un. Il faudrait bien réunifier les parties pour retrouver l'ensemble, la macro-unité, le sens et la continuité, la profondeur. À défaut de cette adaptation, le rôle de l'africanisme traditionnel sera progressivement réduit à une activité quasi-journalistique. En réalité, la notion d'africaniste correspondait à une phase de développement culturel et politique de l'Afrique noire dans des temps modernes, à une situation spécifique, comme l'était naguère la notion de sinologue pour la Chine et dans une grande mesure celle d'orientaliste pour l'Asie occidentale. Elle suppose une tutelle culturelle et intellectuelle, elle sera dépassée au fur et à mesure que les Africains prendront en main leur destinée politique. C'est justement ce travail de décryptage, ce travail de dépassement qui a été fait par toute une génération d'Africains qui se rend compte qu'aujourd'hui, après ce travail de déconstruction, l'université est malade et malade parce que d'abord on est dans une mondialisation utilitariste. Un de mes enseignants et amis, le professeur Freita, qui est aujourd'hui décédé, avait consacré en 1995 un essai troublant intitulé « Le naufrage de l'université » dans lequel il faisait remarquer un certain nombre de faits qui, jusqu'à aujourd'hui, semblent être avérés. Il faisait remarquer effectivement que l'arrimage de l'université au système technique et économique est une transformation qui mine la mission fondamentale de l'institution d'enseignement, qui est double. L'inscription de l'individu dans le monde commun par la transmission du patrimoine culturel, intellectuel et scientifique de l'humanité, sans oublier le développement de la faculté de jugement critique chez les étudiants. Aujourd'hui, constate-t-il, l'université n'en a que pour la recherche, non pas la recherche fondamentale, mais la recherche qui trouve des retombées dans l'économie. On réduit de plus en plus l'école à une seule fonction, former rapidement des sujets employables, jetables, ou encore des chercheurs capables de nourrir l'innovation techno-productiviste. Cette mutation d'inspiration utilitariste ne concerne pas seulement les universités, mais contamine tout le réseau de l'éducation, en passant par les cégeps et les secondaires jusqu'aux primaires. Selon Freitag, on ne peut pas la comprendre qu'en liant la situation du microcosme qu'est le système d'éducation à une dynamique de mutation plus générale des sociétés capitalistes avancées, fait remarquer Éric Martin, un des sociologues qui travaille sur cette analyse des systèmes académiques. Un autre Africain qui s'appelle Thierry Amougou résume très bien ce qui est en jeu ici. Il fait remarquer qu'en Afrique, les universités pourraient être amenées un jour à jouer un rôle moteur dans la construction d'un véritable projet de société et de développement authentiquement africain. Mais, fait-il remarquer, le chemin à parcourir risque d'être encore très long. C'est que l'université en Afrique, plus que partout ailleurs, subit de plein fouet les conséquences d'une mondialisation qui voit se répandre et triompher le projet transculturel du capitalisme occidental, qu'il résume comme étant marchandisation de la culture et du savoir, privatisation de l'éducation, uniformisation des comportements, développement d'une rationalité instrumentale, et cette forme de projet transculturel l'empêche actuellement de poursuivre ses objectifs. Et pourtant, depuis l'apparition des nouveaux acteurs internationaux, issus le plus souvent de la société civile, un autre scénario plus à même de répondre aux besoins réels de l'Afrique et de respecter ses traditions et ses cultures est envisageable. Mais il suppose l'élaboration par les universités africaines d'un véritable savoir endogène, accessible à tous et à toutes, plus en phase avec les réalités africaines et susceptible d'enrichir le stock mondial des connaissances dont il s'agirait d'affirmer le caractère public. Pour ce faire, un ensemble de conditions externes et internes n'en doivent pas moins être réunies, fait remarquer Amoussou. Ici donc, il importe de redonner la vocation de l'université du savoir tournée sur la quête de cette vérité. Cette université, cette quête, doit laisser une marge de manœuvre totale aux chercheurs et à l'enseigné. Liberté d'enseigner sa matière de façon critique, mais aussi la liberté accordée à l'étudiant de choisir sa matière. Cette liberté de pensée, de mouvement d'association et d'action n'est pas exemple de responsabilité. Il faudrait ici comprendre qu'on peut sortir de l'aliénation et percer des horizons de savoir qu'impose une épistémologie différente. Cette épistémologie, c'est le long débat entre afrocentricité et afrocentrisme, un débat que Assante a montré comment l'afrocentricité, c'est de placer les idéaux africains au centre de l'analyse de la culture africaine. Cette perspective afrocentrée visait la restauration de l'identité africaine à l'extraire de sa gangue africaniste et eurocentrique qui est effectivement très tenace. Là, il y a toute une tradition sur laquelle malheureusement nous n'avons pas de temps. Lamine Senghor, Goumet, Bloncourt, Einstein, Sossé Diop, Birago Diop, Césaire, Garang Kouyaté, Senghor, Richard Wright, Chinua Achebe, Mario de Andrade, Mongo Betty, etc. Donc il y a une grande famille de pensées, en plus des Black Studies et des African Studies, qui sont là pour rappeler effectivement que le champ du savoir est immense. Alors ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est en guise de conclusion, comment véritablement articuler une université d'abord au service des sociétés, c'est-à-dire comment les sociétés doivent être modifiées dans une perspective panafricaine avec des besoins essentiels qui doivent être atteints, des énergies renouvelables, l'accès à une alimentation de meilleure qualité, à un savoir de base au niveau scolaire et pré-universitaire, afin d'asseoir véritablement des investissements publics dans cette discipline. Or, c'est ça qui fait défaut. Ces investissements publics faisant défaut vont nous amener à une conclusion, hélas, beaucoup plus difficile. Une petite pause pour pouvoir la digérer en avance. C'était encore de nouveau Oasis Tube, décidément, on va dire qu'on aime que ça, mais c'est tellement, tellement si apaisant. Alors justement, pour conclure ce segment sur les universités panafricaines en guise de conclusion et cette petite réflexion, pour beaucoup de nos Africains et Africaines en diaspora, comme ceux qui sont dans les conditions très difficiles de nos universités, la connaissance de soi et saisir la trajectoire historique à partir d'une posture d'intelligentsia organique, c'est ça qu'il faut faire. La posture intellectuelle de Cheikh Kanta Diop, de Fanon, de Cabral, apparaît alors comme modèle complexe de l'intellectuel organique à promouvoir. Il n'est pas dit que l'université a comme vocation de formuler le plan idéologique et politique de la société, mais dans la perspective de l'égalité et de la liberté, notamment d'accès à la culture, elle a une fonction essentielle dans l'éclaircissement de l'horizon du savoir et du savoir-faire humain et son atteinte. Dans une ère où la marchandisation, la perte de sens, les culturalismes et l'obscurantisme insinuent dans l'espace académique, la défense du bien commun demeure essentielle. Une université démocratique, égalitaire, féministe, défend le bien commun et la gratuité, méritant des investissements aussi bien publics que philanthropiques et accessoirement un secteur privé socio-économiquement et culturellement imputable. Une université panafricaine doit donc redécouvrir la supériorité de la valeur d'usage sur la valeur d'échange, une vision holistique de l'éducation dans toutes ses finalités pour des citoyens éclairés et libres. La gestion administrative, les budgets et programmes, l'accessibilité aux services, la gratuité, le lien avec le monde professionnel ne se conçoivent que dans l'optique de la réponse aux enjeux soulevés plus haut et qui se traduisent dans la praxis. Enfin, c'est ce que je pensais pour une contribution à l'avènement de l'Université démocratique panafricaine encastrée dans la culture populaire et scientifique.